J'aime pas ma bobine, j'ai du mal à me projeter. J'ai jamais eu les codes, toutes les portes je les ai crochetées. T'étais dans mon casting, pour toi je faisais juste la figure. Y'a ceux que j'aime et les acteurs, je suis le seul réalisateur. Tu peux être un acteur important du film de ma vie, mais tu n'auras jamais le premier rôle. Quand le mec tout écrit le script, certains m'ont donné la réplique, certains manquent dans le générique. Alors tu peux être un acteur important du film de ma vie, mais tu n'auras jamais le premier rôle. Quand le mec tout écrit le script, certains m'ont donné la réplique, certains manquent dans le générique. Alors la vie m'a fait connaître des putains de braves avec des têtes de l'os bar, mais c'est l'ascar qui font du sgar et mon lance bas mérite l'Oscar. Dans ma vie, quelques faux raccords avec les filles comme avec les flics, quelques corps à corps, quelques faux rapports, quelques fuites, y'a quelques printemps. J'aurais pu mal tourner avec la cam, c'est en me perdant dans ma ville que je me suis retrouvé. Regarde la force que tu gaspilles, on coupe après quelques essais. La galère s'occupe du casting, seul l'écoute dure officialise les refs. Quand t'es dans le vice, la vie c'est rush, toujours dans le rush. Donc je rembobine la nuit, je revisualise les rushs, séduit par l'odeur de ma terre après la pluie. Homme chétif, faudrait que je prenne appui sur l'objectif à hauteur de ma tête. Mais j'ai le spleen et l'honneur démonté d'un auteur démodé, amateur de Motown avec des rêves de motard dans la tête. Il me tarde de monter, moteur demandé. J'partirai sans note argumentée, devenir mature, il est grand temps. J'me vois posé à 30 ans, ma vision s'élargit, j'ai pris le grand angle. Voix off, il faut que je fasse le point. Je ne suis pas devin, mais si je clamse demain, je veux pas que l'impact d'une balle de flingue devienne mon clap de fin. J'aime pas ma bobine, j'ai du mal à me projeter. J'ai jamais eu les codes, toutes les portes je les ai crochetées. T'étais dans mon casting, pour toi je faisais juste la figure. Y'a ceux que j'aime et les acteurs, je suis le seul réalisateur. Tu peux être un acteur important du film de ma vie, mais tu n'auras jamais le premier. Quand le mec tout écrit le script, certains m'ont donné la réplique, certains manquent dans le générique. Alors tu peux être un acteur important du film de ma vie, mais tu n'auras jamais le premier rôle. Quand le mec tout écrit le script, certains m'ont donné la réplique, certains manquent dans le générique. Alors on aime tellement les frissons que l'on recherche l'ivresse encore. C'est plus pudique de se mettre à poil devant l'autre que de livrer son cœur. Et puis un beau jour c'est là, on déploie nos ailes, on s'élance, on se sent seul dans nos existences. Donc ces petits gestes sont immenses, on se déshabille du regard, les yeux dans les yeux en silence. Et c'est tellement plus excitant que de baiser sans sentiment. Hey miss, on dirait que c'est à nous, pourvu que notre duo marche. Début d'une scène d'amour fondue au noir. Ellipse, je te dis que je reviens bientôt. Et toi tu me réponds bientôt, c'est quand. Je n'ose même plus cligner des yeux lorsque je t'observe en plan séquence. Je me suis surexposé, trop de flair, ton sourire brille. Tu sais, ma musique est faite d'images. Sur mes images, y'a du bruit. Mauvaise nouvelle, on ralentit la bouteille, s'écrase contre le plancher. Descente dans les abysses et ma noyade en contre-plongée. Insère des bouts de verre, insère des gouttes de sang. Flashback, une nuit d'hiver, ton ventre soutenant ma tête. Insère, ciseaux ouverts, plan serré. Non, coupe le son, flashback, une femme sincère. Plan large, un homme à terre.